Chez Jean Dumas-Fort de Dolbeau Mistassini, profitez des rabais automnales. Louez le F-150 2019 à $99 par semaine ou encore le Ford Escape 2019 à 0% sur 72 mois. Jean Dumas-Fort, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau Mistassini, 418-276-1316. N'hésitez pas à devenir membre de notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas-Fort, là où l'expérience client est inégalée. Tout le personnel et la direction de Jean Dumas-Fort de Dolbeau Mistassini vous incite fortement à acheter localement pour préserver les emplois de chez nous. On va parler avec notre ami Marc Fortier de la Ligue nationale de hockey. Salut Marc. Salut Danny. Marc, défaite du Canadien hier contre le Lightning et Tampa Bay. Là, j'écoutais les gens à Montréal dire ben Jordan Wheel, j'avais tendance à être d'accord avec eux autres. Jordan Wheel sur le deuxième trio. Jordan Wheel, ça reste un joueur de joueur d'énergie. T'es d'accord avec moi? Est-ce que c'est le danger d'un entraîneur de triper trop sur un joueur? Ben, c'est sûr et certain, Danny, que d'un entraîneur à l'autre, pour l'avoir vécu personnellement, c'est sûr que tu arrives avec une sorte d'entraîneur qui prône un certain style de jeu, donc qui va aimer un certain style de joueur pour jouer dans son système. Tu vas arriver avec un nouvel entraîneur, il n'aimera peut-être pas les mêmes joueurs. Alors, ça peut différer. Sauf que, tu sais, il faut pas paniquer, là. Il y a quoi? Il y a 6 matchs de jouer. C'est encore en période d'essayer de trouver les meilleures combinaisons possibles. Moi, je prônais beaucoup avec les entraîneurs. Je disais souvent, moi, à mes entraîneurs, essayez de trouver un bon duo. Mm. Trouvez-vous des duos et ensuite, trouvez le gars qui va mieux compléter ces duos-là. Moi, je pense que c'est ça. Trouver un trio qui va être une chimie parfaite. Alors, des fois, on veut y aller avec 2 joueurs. Tu rajoutes un troisième élément selon les manques de ces 2 joueurs-là. Puis là, tu peux te former un trio. Alors, est-ce que Will est un gars de 2 premiers trios? Honnêtement, je pense pas, là. Mm. Mais à un moment donné, en troisième période, il a essayé de brasser ses trios pour essayer de changer la donne un peu. Alors, c'est de bonne guerre. Puis regarde, des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. OK. On va parler, Marc, aussi de évidemment, c'est souvent le cas, hein? Un joueur qui on triple. Un entraîneur peut triper sur un joueur et peut-être c'est ça exactement là. Marc, je veux t'emmener hier sur un sujet que j'ai abordé. Ton meilleur gardien de but des 10 dernières années, je vais te donner les choix. Marc-André Fleury, Carey Price, je vais te parler aussi de... hier, je l'ai oublié, Tucker Rask, Sergei Borowski, Henrik Lundqvist. Il faut mettre Matt Murray également là-dedans. Ton choix? Ben c'est sûr et certain que tu peux pas passer à côté de Fleury, là, ouais, pour tout ce qu'il a accompli. C'était tout un gardien. Il a fait accélérer le processus des Golden Knights à Vegas. Il a gagné la Coupe Stanley avec Pittsburgh. C'est un clutch, un gardien clutch. Moi, là, même s'il est très, très critiqué, moi, je pense que Price, là, il doit être considéré dans les bons gardiens de la Ligue. Quand Price est à son meilleur, il est difficile à battre et il inspire beaucoup de confiance. J'aime beaucoup un René avec Nashville, même s'il n'a pas réussi à amener les stats qu'on aurait aimé. Lundqvist, il a connu une carrière quand même incroyable avec les Rangers. Il est peut-être en fin de carrière, mais ce sont tous des gardiens, de grands gardiens. Mais Lundqvist a été très, très régulier aussi. Jonathan Quick a gagné 2 Coupes Stanley aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. Ouais, mais Quick, tu sais, là, si tu parles dans l'ensemble, là, si tu parles des 10, ouais, 10 dernières années, je pense pas, là, tu sais, que Quick va être dans ce top-là parce que justement, il y a eu trop de hauts et de bas. Les blessures aussi l'ont ralenti beaucoup, Quick. Alors, moi, je dirais, là, je classerais facilement un Fleury, un Lundqvist et un Price là, dans 3 des bons gardiens qu'on a eu dans les 10 dernières années. OK. Mais c'est là qu'on voit que c'est pas aussi unanime que les autres décennies. Hein. Les autres décennies, tu avais Roy. Ça, c'était l'année 90, 2000. 2000 à 2010, c'était Martin Brodeur. Tu sais, tu avais Hašek qui pouvait être pas loin de Patrick, mais je pense qu'il faut mettre encore Patrick. Ouais. Mais tu sais, c'est là qu'on voit que c'est pas unanime, hein? Ah non, absolument, absolument. Puis, tu sais quoi? Une chose, parce que moi, je vais dire... Je t'ai perdu, Marc. Tu veux-tu leur dire? Oui, tu m'entends-tu? Oui, tu m'entends-tu? Oui, oui. Le champagne. Moi, je vais te dire, Danny, là, honnêtement, pour avoir vécu là, dans mes années, mettons, tu parles des années 80-90, là, des gardiens de but européens, là, tu n'en avais pratiquement pas. Il n'y en avait pas. C'est une denrée rare, Ben, là, tu avais les Pelé gardiens Lindbergh qui européens. aurait probablement, s'il n'aurait pas perdu la vie, probablement que ça aurait. Ouais, mais tu sais, tu en avais un ou deux. Tu avais surtout des Québécois. Tu en avais une pépinière de gardiens de but québécois. On parle. Des pots de vin, puis Roy, puis regarde, même les backups de la Ligue nationale, tu avais énormément de Québécois, puis tu avais plus d'Européens. Et là, c'est rendu l'inverse. Là, on a moins en moins de Québécois, mais on a beaucoup, beaucoup d'Européens. Il faut crédit, là, justement, à ces pays-là, la Russie, la Suède, la Finlande. Ils développent énormément de bons gardiens de but. Alors, c'est pour ça que là, on a peut-être une plus grande parité dans la qualité des gardiens de but. Alors, c'est très bien. Ben, le prochain gardien de but, on dit que c'était le prochain gardien de but générationnel. C'est un gardien de but qui vient de la Russie, qui a brillé au tournoi Ivanenka. Il semble-t-il qu'il va sortir très, très proche dans les 10 premiers au prochain repêchage. Ah, Je vais t'arriver avec le nom tantôt, là, mais il va être à surveiller. On dit que c'est un gardien de but de face qui est très, très générationnel. C'est le meilleur gardien de but qui est sorti depuis Carey Price. Ce qu'on dit, là, c'est que les dépisteurs disent, là. Ça va être à surveiller de très très près. Marc, j'ai eu Serge Chavard la semaine passée en entrevue et j'ai posé la question sur les Québécois. Parce que tu sais comment Serge, dans le temps, il y avait 12-13 Québécois. Puis j'ai demandé en 2019 si c'était encore d'actualité son époque. Et il a patiné un peu autour du pot. Si tu peux savoir lire entre les lignes, il semblait être d'accord. Il semblait dire que c'est encore d'actualité. Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec ça, Marc, parce que, écoute, c'est pas une question politique. C'est pas une question. C'est que lui, Serge Chavard, ce qu'il dit, puis Marc, t'as joué pour les Nordiques, tu dois le savoir un peu. Il dit qu'un Québécois, ça ressent de la pression. Si on a passé une mauvaise année, il passe l'été au Québec. Donc, il n'entend parler de son été. Donc, ça irait une pression supplémentaire. Et même en 2020, je pense que c'est encore d'actualité, ça. Oui, ben, il y a deux éléments peut-être là-dedans, là, Danny. Moi, je trouve que oui, c'est d'actualité absolument d'avoir des Québécois. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est sûr qu'on regarde la nouvelle génération de jeunes. C'est plus difficile hein, du côté mental. Là. Les jeunes ont tendance à s'effondrer plus rapidement peut-être qu'à l'époque. Là, j'aime pas s'employer les termes, là, mais si on parle en vrai québécois, là, on marchait un peu à couper dans le cul à l'époque des années 80-90. Alors, on devait faire face à ces pressions-là. On était habitué à ça. On frappait l'adversité régulièrement dans notre carrière. Alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus difficile pour nos jeunes de composer avec cette pression-là. Alors, c'est sûr qu'à Montréal, ça devient un élément plus difficile. Mais il y a une chose qu'on parle rarement, Danny, mais qui est un élément qu'il faut considérer dans ces choses-là, c'est qu'à l'époque, là, dans les années 80-90, là, il y avait 12 rounds dans le repêchage. Tu sais, là, on tombe à 7, là, je m'excuse, mais 7, là, c'est 5 de moins par équipe. Tu prends 30 équipes, là, c'est 150 joueurs de moins qui sont repêchés toutes les années dans la Ligue nationale. Alors, c'est sûr et certain que des Québécois, malheureusement, Tabarouette, ils en sortent moins également parce que il y avait beaucoup de joueurs qui sortaient 8, 9, 10, 11, 12 là, à l'époque. Alors que là, dans cette ronde, là, tu vas piger partout dans le monde. Tu sais, on pigeait moins du côté européen à l'époque. C'était plus nord-américain. On avait plus de rounds. Là, tu as moins de rounds. Tu as accès au monde entier pour les joueurs. Alors, c'est sûr que peut-être que ça limite justement le nombre de Québécois qui sont repêchés. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bons Québécois. Je regardais encore hier Manta avec Détroit. C'est un Ah, c'est joueur une machine. exceptionnel. Là, c'est une machine. Alors, tu sais, c'est des petits gars, ça, qui sont dans notre cour et puis qu'il faut qu'une équipe comme le Canadien essaye d'en échapper le moins possible de ces joueurs-là. Mais je vais te prendre l'exemple, OK, Marc? Tu es d'accord avec moi? Puis ça, je l'ai dit à M. Savard. Un employeur, peu importe dans le domaine du travail, là, OK? Un employeur que tu sais qu'il y a confiance à son employé, l'employé va aller chercher quelque chose de supplémentaire, un petit plus. Je sais pas si tu me suis là-dedans, puis il va être Absolument. plus performant. Le Canadien, là, je vais prendre l'exemple d'un Charles Hudon. Charles Hudon, les gens vont me dire, oui, il y a eu toute la confiance, qu'il y a eu de la sa chance et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que Charles Hudon a de plus qu'Arturi Lehkonen? Moins qu'Arturi Lehkonen. Je vais prendre l'exemple ici d'un Xavier Ouellet. Xavier Ouellet ou Brent Kulak, il n'y a pas grande différence. Es-tu d'accord avec moi? Oui, mais les dimensions, je regarde Charles. Charles, c'est un petit gars qui est extrêmement talentueux pour l'avoir eu avec moi à Chicoutimi. Mais Charles, il est un petit peu unidimensionnel. C'est-à-dire que c'est un gars qui est extrêmement bon offensivement, mais qui a des lacunes défensives. Alors qu'un gars comme Lehkonen est plus un joueur complet. Alors, lorsqu'on arrive sur faire notre sélection de notre, admettons, notre 3-4e trio, c'est sûr qu'on essaie d'avoir, souvent on essaie d'avoir un joueur peut-être plus fiable défensivement qu'offensivement. Cela étant dit, Lehkonen, il a eu plus sa chance que Charles. On va s'entendre avec ça parce que lui, il était longtemps en crime sans marquer l'année passée. Ouais. Est-ce que Charles aurait sa place chez le Canadien? Moi, je pense que oui. Il peut avoir sa chance, mais il devient une sorte de joueur des fois qui n'est pas un favori d'un entraîneur, ouais. Justement à cause de ses lacunes. Alors, ça devient personnel dans cette situation-là. Moi, je pense que la meilleure situation d'un Charles Hudon, c'est de se faire échanger, de partir sur une nouvelle page d'une équipe qui a besoin peut-être justement d'un apport offensif. Et là, il aurait peut-être sa place. Mais tu sais, Charlie, ça demeure quand même un excellent choix de cinquième round du Canadien. Là, c'est chapeau. Là. Xavier Ouellet aurait autant sa place que Kulak. Louis Domingue, comme deuxième gardien de but, il était soumis au balotage, est aussi bon que Kincaid. Kincaid, tu le signes pendant l'été. L'autre, il était libre dernièrement. Là, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça qu'il était au balotage. Tu as déjà signé ton Kincaid. Tu sais, ouais. Là-dedans, Danny, faut pas oublier là, que c'est une question de timing aussi. Savoir quand est-ce que le gars est disponible. Mais c'est des exemples que je te donne. C'est des exemples. Ouais. C'est des exemples. Ouais, on peut en donner jusqu'à demain matin. Puis je peux te sortir des anglophones qui sont meilleurs que des Québécois ailleurs et qui auraient dû prendre l'anglophone au lieu du francophone. C'est facile de sortir la liste après, là. Mais est-ce qu'on pourrait avoir plus de Québécois chez le Canadien? Moi, je pense que oui. La réponse est oui, là. Ouais. Je dénigre pas ça. Mais il y a beaucoup de questions de timing là-dedans. Puis c'est question aussi de qu'est-ce qu'un joueur coûte quand on veut l'avoir. Est-ce qu'on a le budget de payer? Je parle pas nécessairement juste monétairement, mais c'est souvent un choix au repêchage, c'est souvent un futur joueur donné. Tu sais, regarde ce Gatchev là, il y a un Christy de début de saison là avec Tampa Bay, puis on s'entend-tu que des défenseurs, on aurait besoin des défenseurs ben comme oui. ça, mais regarde, on a mis de la pression aux Canadiens d'aller chercher un Québécois, il faut aller chercher Drouin, puis là, ouais, est-ce que c'est. Est-ce que demain matin, garderais-tu Sergachev ou tu iras rechercher encore Drouin? C'est une bonne question à se poser, ouais, là. Mais c'est la pression qu'on se met, puis de dire il faut aller chercher des Québécois. Ben, oui, je suis d'accord, mais à quel prix, puis dans quel timing? Ouais. Marc, toujours intéressant. Il y a plein de. Ouais. Oui. On va se laisser parce que là, la ligne coupe. Ben, Marc, toujours intéressant, on s'en parle bientôt. Ça fait plaisir, mon dernier. Collaborateur Marc Fortier.